essaye pas de me pister, car je suis double face au mic. 3-9-4 quand je kick frime, frappe avec mes Nike. SP lyrique à la patate, ma mort n'a pas de date. Flow 4-4, mon beurre frappe fort depuis l'époque des fat cap. Frais des pompes au crâne, grosse à black app. Sorti de ma tombe, je laisse mon pactage au placard. Full avec loco, plutôt ambiance Joko que Coco. Kinshasa style, Mungi Toko. Sont tous des gangsters, joue les parrains italiens. Casse pas les couilles, pose ton club rap, on verra bien. Je suis l'arrivage illicite venu des Philippines. SP, si je me suis déplacé, c'est pour un finishing. Clic, clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. Clic, clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. Clic, clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. Clic, clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. Je rentre sur le beat, c'est la jungle, les MC tremble. Le phrase est carré, rime cadré, et peu importe l'angle. 9 fois sur les plaques, SD clic, débarque de la A4. On kick ça A4, les wack, MC, heureusement je déclare. Faut que tu te caches, je m'en bats les couilles de ta mauvaise humeur. Comme SB, flow 4-4, ma bouche appelle la hummer. Plus vrai que moi, tu meurs, on fait pas l'idio. Ton rap c'est une tumeur, moi je fais des chimichimio. Mais des cyclones, c'est ce qui t'attend au prochain carrefour. Moi j'ai trop la dalle, normal, le rap c'est le carrefour. Moi ça te blesse, ta graisse te presse, parce que c'est la S. Des stress, je l'ai sur le côté avec des feux détresse. Clic clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. Clic clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. Clic clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. Clic clac, pas de micmac, l'affaire est dans le sac. On pose pas de questions, on démolit le son. Nous on pose pas de questions, on démolit le son. Nous on pose pas de questions, on démolit le son. Nous, on pose pas de questions, on démolit le son. Mal à contrôler mes pulsions. Alors imagine-toi tout ce que j'ai dans mon cerveau. Ouais, pour foutre le bon son. Tu sais ce que mes négros veulent. La bonne résine plein dans la tête et tu peux être de son. Et si tu veux en savoir plus, viens, je te montre où ça situe. Je rappe pour les gens du 93, toujours tendu. Chez nous, tu peux trouver tout, même des langages crus. Direct, ça vient de la rue. En fait, tu peux pas nous tester. Plus les années passent et personne nous a eu. Trou du cul, t'es prévenu. Car je suis revenu remettre les pendules à l'heure. Dealer, c'est pas Bali et Busta. Les frayeurs, bande de bâtards, mettez-vous ailleurs. Laissez place aux vrais MC qui mettent le fire. Nous on pose pas de questions, on démolit le son. Nous on pose pas de questions, on démolit le son. Nous on pose pas de questions, on démolit le son. Nous on pose pas de questions, on démolit le son. Je suis pour la paix mais on m'oblige à être en guerre. Je suis en mission depuis 93, j'ai vu tomber des frères. Avant j'avais le sommeil lourd, je me couchais tôt. Maintenant ton rap me réveille si j'ai pas tué 15 bédos. Je me lève avec de cisla, je roule avec des risla. Le soir c'est PES, SOS, allo allo pizza. On kick avec les doigts, nique sa mère Guy de graine. On saute à pied joint sur le premier qui dégaine. Le rap et moi ça fait deux, c'est toujours mieux pour mettre des bleus dans les yeux. J'ai le putain de flow gars qui t'envoie dans les cieux. Arrête ton cinéma mama, le son derrière fait ma mama. Tu souffres, tu sais ma maman, on rigole tous. Sur la tête de mon mic, je te découpe négro. Écoute négro, comme ta queue gauche, je te recoupe négro. Pas de tralala, le flow est halala. Le style rouge et blanc comme le Canada. Bustard pour la dalle, yeah.